Hop là. Alors, je vais te le faire en deux fois comme ça. Je vais te faire d'abord les. Enfin, je vais te faire en deux fichiers. D'abord Yan Le Wang et après les tous. Parce que je suis très relou. Et ben voilà. Très simple. Donc, on commence par un. Yi Wang. Je vais revoir ce que tu viens de me dire. Attends. Ah, ben, je suis pas sur le bon. Donc je faisais Seigneur Pluton. Ah, Seigneur Pluton, super. Ça gaze. La liste est close. Yi Wang. Yi Wang. Hop là. Yi Wang. Yi Wang. Yi Wang. Iwang. J'essayais de parler comme un Ewok parce que ça me faisait penser à ça, mais du coup, c'était très nul. Désolé. Chen-Li. Non, Lin. Chen-Lin. Chen-Lin. Chen-Lin. Chen-Lin. Chen-Lin. Chen-Lin. Chen-Lin. Chen-Lin. La liste est close. La liste est close. La liste est close. La liste est close. La liste est close. Seigneur Pluton, la liste est close. La liste est close. La liste est close. Les listes est close. Et regardez, il y a des papillons qui en sortent. Une messagère? Une messagère. Une messagère? J'appelle à la messagère, elle est là, va venir témoigner devant le grand régulateur sur sa rencontre avec l'Ankou. Une messagère. Une messagère. Une messagère. Ce tribunal est corrompu! Mais taisez-vous, exactement, je suis tout à fait d'accord. Attends, je vais ouvrir un truc. Hop là, on dézoome. Je n'ai pas du tout saturé, c'est très bien. Une messagère? Ce tribunal est corrompu! Ce tribunal est corrompu! Je vais faire appel à mon avocat. Ce tribunal est corrompu! Hop. Je pense que ça ira. C'est ça, finissons-en. Bien dit, Seigneur Pluton. Bien dit. Ah. Et boum. Allez hop. Qu'est-ce que vous dites les autres? Eh ouais. C'est ça, finissons-en. C'est ça, finissons-en. C'est ça, finissons-en. Effectivement, finissons-en. Vous avez tout à fait raison. Ok, donc là je t'ai fait tout, Yan Le Wang.